Bonjour, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Cette semaine, Podcast Science numéro 65 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fon. Et puis on a la chance d'avoir avec nous Lia, Lia Rousseau. Salut Lia. Salut, vous m'entendez? On t'entend, ouais. Bon, Très bien. parfait alors. Bah, nickel, le hasard et la technique font bien les choses, ça fait Ah plaisir. oui. Donc, Lia, on te reçoit parce que tu nous as préparé un petit dossier, comme tu le fais de temps en temps, ce qui nous fait toujours plaisir. Et puis là, tu nous as préparé, c'est les liens entre les humains et les animaux, c'est ça? Voilà, en fait, essentiellement, je vais parler du pouvoir bénéfique des animaux sur les êtres humains. Et plus particulièrement, j'ai eu la chance d'avoir au téléphone la présidente de l'Association suisse de zoothérapie. Donc, je vais vous parler un peu de ce que c'est la zoothérapie. D'accord, Très bien. Voilà. Ok, bah écoute, on est tout On ouille, se donc je te réjouit. passe la parole. Ah, c'est bon, je commence tout Ouais, de suite tu peux y comme aller. ça? Tu peux y aller D'accord. comme ça, tout de suite. D'accord, bon, très bien. Alors, si entre-temps vous avez des questions, vous interrompez, enfin, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est Tu nous quand vous connais, voulez. on n'hésitera pas. D'accord. Donc, oui, là, j'ai pas mal pensé à partager un sujet qui me passionne parce que je trouve que c'est une très belle occasion de partager pas seulement des connaissances scientifiques, mais aussi des choses qu'on trouve importantes. Donc, disons que pendant longtemps, j'ai pensé à préparer un sujet sur les animaux. Et puis, plus particulièrement, je voulais me pencher sur ce qui rend les animaux intéressants pour nous. Et puis, évidemment, il y avait le côté émotionnel, le côté empathie des animaux. Et puis, ben, tout récemment, en fait, il m'est arrivé de vivre quelque chose qui m'a fait un peu changer la préparation du dossier, puisque ben, il y a un petit chat qui, en fait, qui vit dans une villa à côté, mais qui a décidé de venir partager sa vie aussi avec moi et mon mari. Et puis, ben, il se trouve que ce chat, il m'a fait comprendre, enfin, il m'a fait penser à un livre que j'avais lu, dont je vais vous parler aussi un tout petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Kindred Spirits et qui est écrit par un docteur vétérinaire qui s'appelle Alan Schoen, mais vous trouverez, enfin, vous pouvez trouver toutes les coordonnées dans le dossier après. Et puis, dans ce livre, en fait, ce vétérinaire parle des bienfaits des animaux sur les êtres humains, en particulier des bienfaits pour la santé humaine. Et puis ben là, il m'est arrivé de ne pas être toujours très bien dans cette dernière période. En particulier, j'ai attrapé une bronchite. Bon, c'est un peu la période. Apparemment, j'étais pas la seule. C'est vrai qu'on n'était pas, on n'était même pas sûr que tu puisses nous rejoindre cette semaine. Ouais, mais c'est bon. J'ai pris un peu de retard, mais finalement là, ça va. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai constaté que ce chat, à chaque fois que j'étais pas bien, il me venait à côté et puis bah, j'allais mieux après. Peut-être c'est simplement la présence de voilà d'un être qui est poilu, tout sympa, tout gentil, qui fait du bien au moral. Mais peut-être aussi il y a autre chose. Et puis c'est cette autre chose que dont j'avais le souvenir en fait. J'avais lu ce bouquin dont je vous ai parlé il y a 2 ans. Puis je me souvenais qu'il y avait une liste de des bienfaits des animaux pour l'homme, et puis du coup je suis allée le revoir, et puis là de fil en aiguille c'est comme ça j'ai eu l'idée de préparer ce dossier ce soir, parce que ben, je trouve que c'est quelque chose de beau de penser finalement des animaux de compagnie peuvent nous apporter quelque chose de positif aussi au niveau de notre santé. Et c'est aussi quelque chose qui peut bah, nous ouvrir un peu l'esprit et nous faire considérer justement ces compagnons de vie peut-être d'une autre façon aussi. Donc voilà, là c'est ce que j'ai décidé de faire ce soir, c'est de vous parler un peu en général de ce pouvoir bénéfique de la relation homme-animal, avec tout d'abord quelques petites curiosités. Et puis après, comme je vous disais, j'ai eu la chance de joindre au téléphone. Elle était vraiment très sympa et très disponible. la présidente de l'association suisse de zoothérapie qui s'appelle Rachel Léoctay. Alors, je demande déjà mes excuses pour la prononciation du nom. C'est peut-être pas juste, mais en tout cas, je mettrai ses coordonnées ainsi que le lien de son site et ainsi que le lien du site de zoothérapie Et l'orthographe de pour son nom, surtout. et l'orthographe de son nom qui sera correct de façon que voilà les personnes intéressées pourront approfondir le dossier parce que je me rends compte que là je vais juste survoler un peu ce sujet qui est très très vaste donc voilà c'est juste pour donner un peu l'envie de d'approfondir et de se dire que voilà finalement le monde qui nous entoure il est bien riche bien plus de ce qu'on croit et puis que finalement même des animaux de compagnie ils ont des ressources que parfois on n'imagine pas voilà Ok. donc voilà donc tout d'abord comme je vous disais je vais vous parler de quelques curiosités en fait c'est quelque part, c'est un lien un peu indirect, ces curiosités dont je vais vous parler. J'ai repensé à certains cours que j'avais eus à l'université, des cours de biologie, où finalement il y avait un professeur qui nous avait raconté que les industries pharmaceutiques, pour trouver des nouveaux médicaments, des nouveaux principes actifs, souvent aller suivre des groupes d'animaux, en particulier des groupes de chimpanzés ou de grands singes, pour voir quel type de plantes ces animaux prenaient dans des situations où ces animaux n'allaient pas bien. Et puis, en effet, ils ont découvert. Il y a plusieurs études qui ont découvert ça, que plusieurs groupes d'animaux, plusieurs animaux en fait sont capables de cueillir des plantes, de manger des plantes particulières lorsque ils vont pas bien. Et puis là juste un exemple pour vous dire une chose qu'en fait on utilise aussi. Il est fréquent que finalement des chimpanzés ou aussi d'autres primates utilisent l'argile ainsi que le charbon de bois pour se soigner lorsqu'ils ont des troubles stomacaux et intestinaux. Et puis c'est la même chose qu'on fait nous aussi. On trouve en pharmacie du charbon activé ou certaines formes d'argile pour des troubles intestinaux et stomacaux. C'est assez répandu que finalement des plantes qui peuvent soigner des animaux peuvent aussi nous soigner. Les principes actifs peuvent être utiles pour nous aussi. Et il y a donc toute une certaines industries, à ce qu'il paraît, suivent de plus près les animaux pour découvrir des nouveaux principes actifs dans des plantes que ces animaux utilisent. D'accord, une forme de... C'est pas du biomimétisme là, mais c'est un mimétisme du comportement des animaux. Oui, bon, après, il y a tout un débat sur le fait que les animaux sachent ou pas, aient conscience de ce qu'ils font. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai vu pas mal de discussions sur le web où en fait on se demande si les animaux ils utilisent ces plantes comme nous on utilise des médicaments ou pas. Mais ce qu'il en est, c'est que l'observation des scientifiques est que voilà, en cas de problème, certains animaux sont capables de choisir des choses à manger plutôt que d'autres. Puis finalement, l'alimentation, même pour nous, si on y réfléchit un tout petit peu, c'est la première forme de médicaments qu'on peut absorber. Finalement, avec l'alimentation, on peut garder une bonne santé, on peut soigner certains, ou soigner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, améliorer certaines formes inflammatoires. Donc finalement, que les animaux mangent certaines choses plutôt que d'autres selon leur état de santé, Ça fait sens. Ça fait sens, oui. Et puis finalement, nous, oui, on peut imiter ce comportement quelque part. Mais je pense qu'instinctivement, on le fait déjà, puis beaucoup de populations le font encore. Nous, peut-être, on s'est un peu éloigné de tout ça, mais je pense que ça fait aussi partie de l'être humain comme... D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est des animaux aussi, hein. Scientifiquement parlant. Ben, ça, c'est Là, vrai. c'est vrai Ça fait que aucun doute. pour simplifier le dossier, je parle de monde animal et monde humain, mais c'est vrai que scientifiquement parlant, c'est pas correct. On Ouais, est non, biologiquement, on est des animaux comme les des autres, ça, c'est animaux, clair. Ouais. voilà. Donc, peut-être cela explique aussi cette empathie finalement qu'il y a avec les animaux, parce que voilà, on fait partie du même monde, on n'est pas si différent que ça en fait. Mais bon, ça c'est d'autres discussions aussi. En fait, j'ai trouvé pendant que je préparais ce dossier un petit article de Muriel Toussaint. Qui parle des animaux thérapeutes. Et puis, je trouvais que c'était assez sympa parce qu'elle aussi, elle commence son article en parlant comme ça de ces animaux qui peuvent se soigner. Et puis, en fait, elle parle de l'asticothérapie, que je trouvais intéressant à mentionner ici. Asticothérapie. Asticothérapie, oui, en fait, ça s'appelle aussi larvothérapie. En fait, c'est un soin qui a porté, ça c'est la définition que j'ai prise sur Wikipédia, hein, désigne le soin apporté à une plaie de tissu mou par les asticots de Ah la mouche oui, verte, voilà, des d'accord. larves. Ouais. Et puis, ça c'est dans son article, donc Muriel Toussaint, elle parle de l'asticothérapie, elle parle aussi d'autre chose pour montrer tous les pouvoirs finalement bénéfiques du monde animal. Donc j'ai trouvé ça, enfin moi j'avais commencé mon dossier un peu de la même façon. Donc quand j'ai trouvé cet article, j'ai pensé de le citer parce que finalement c'est une lecture aussi intéressante. Je dirais pas toutes les choses qu'elle a dit. Donc pour les gens intéressants, ben, il y a aussi le lien de l'article. Formidable. Et puis donc du coup, voilà, là par exemple, elle cite... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, donc Oui. là tu vas un peu expliquer ce que c'est la sticothérapie ou Oui, tu... bon, Ah d'accord. en fait, bon, les définitions, elles sont sur Wikipédia, je mettrai le lien aussi. Disons que c'est c'est une thérapie qui était connue aussi dans l'ancien Égypte, puis elle a été reprise dans des périodes de guerre. Et puis là, depuis 2004, que ce soit aux États-Unis, puis même en France, c'est utilisé. Bien sûr, on utilise des larves stériles, et puis on les utilise que sur certains tissus qui sont nécrosés et qui peuvent pas être soignés différemment. Mais à ce qu'il paraît, c'est une méthode qui marche bien, puis voilà, qui est bien utilisée. C'est un peu une de ces méthodes qui viennent aussi, enfin qui retournent un peu, pas à la mode, mais qui retournent à être utilisées aussi en substitution de certains thérapies antibiotiques, d'après ce que j'ai vu. Vous savez, il y a toute cette discussion que les antibiotiques, ben voilà, on en a fait peut-être on les a utilisés beaucoup trop, et puis peut-être des thérapies comme ça peuvent petit à petit réduire l'utilisation d'antibiotiques dans certains cas. Dans Donc ces situations-là, ouais. voilà, donc du coup elles reviennent un peu à la enfin elles sont à nouveau étudiées et utilisées surtout. Ouais. Et puis voilà, je trouvais que c'était dans son article, Muriel Toussaint parle aussi de certaines fourmis qu'on utilise pour détecter le diabète, parce qu'elles sont capables de détecter le niveau de sucre dans le sang. Puis je trouvais ça assez intéressant de se dire que voilà, finalement la découverte du monde animal et végétal, parce que aussi chez les plantes il y a des choses vraiment étonnantes qui se passent, ben, finalement nous réserve énormément de surprises, énormément de découvertes, et aussi un pouvoir finalement pour être mieux nous-mêmes. Donc c'est vrai que si on s'approche d'une bonne façon du monde animal et végétal, ben c'est d'une richesse formidable. Donc on ne peut que découvrir des bienfaits pour nous et puis ben voilà aussi pour j'espère un retour pour le monde qui nous entoure. Mais voilà, ça c'était ma petite introduction au niveau des curiosités de bon, c'est juste un petit ouais, c'est une petite chose, mais ce que j'aimerais faire passer comme message par là, c'est que en faisant ces recherches sur le sujet, j'ai eu la sensation que vraiment le monde animal et végétal sont hyper riches et que voilà, finalement, on peut, c'est vraiment positif si on se rend compte qu'on fait partie de ce monde, si on apprend à le respecter un peu et qu'on apprend à le connaître, on peut en tirer vraiment beaucoup de positivité pour nous. Donc, je trouve que passer ce message, c'est un peu une base pour ce que je vais continuer à dire maintenant, qui est plus ciblé sur la zoothérapie. Ok, je crois que le message est D'accord. passé. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Mon idée, quand j'ai commencé à m'intéresser à la zoothérapie, c'était une idée un peu naïve, finalement. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu ce chat qui m'a offert un peu ses soins, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec sa présence et ses petits câlins, ces petits moments de douceur, dans des moments où moi j'étais pas forcément très bien, il m'a aidée. Et puis c'est là que j'ai commencé à penser à ces animaux thérapeutes et je me suis dit mais où ça en est la science, où ça en est l'utilisation aussi de ces animaux dans les thérapies. Et puis c'est là que je me suis rendu compte assez vite que finalement ma question était un tout petit peu naïve et pas tout à fait juste au niveau de la définition, par exemple, de la zoothérapie dont je vais vous parler d'ici peu. Ce qui n'enlève pas que finalement, voilà, les chats, les chiens qui peuvent partager notre quotidienneté ou aussi les lapins ont un effet bénéfique sur nous. Puis il suffit d'en parler avec des gens qui côtoient ces animaux au quotidien. Et puis, instinctivement, ils pourront dire la même chose. C'est des témoignages qui vont un peu au-delà du côté scientifique, c'est vrai, mais qui font partie d'une vérité pragmatique, je dirais, de tous les jours. Bon, on compte sur tes qualités de scientifique et de journaliste scientifique pour faire la passerelle justement Oui, entre les deux en univers. fait, la question que je me suis posée, et que quelque part, la réponse est un peu une preuve que ces animaux ont effectivement un côté bienfaiteur sur nous, c'est le pourquoi finalement on garde autant d'animaux de compagnie. Parce que finalement, on dépense beaucoup d'argent pour eux. Il y a des gens qui sont prêts, qui mettent leur chien, leur chat, même devant eux. S'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben, peut-être ils sacrifient quelque chose dans leur vie, mais pas pour leur chat ou leur chien. S'il faut les amener chez le vétérinaire, c'est une priorité pour beaucoup de gens. Puis je me suis posé la question, mais pourquoi ça? Pourquoi les animaux maintenant peuvent rester avec nous sans travailler, simplement parce qu'ils nous font de la compagnie? Et puis, justement, dans ce livre dont je vous parlais un peu en introduction, donc Kindred Spirit, ben, l'auteur parle vraiment au niveau scientifique, là c'est là que je fais un peu la passerelle, des études qui ont montré des bienfaits physiologiques des animaux sur les êtres humains. D'accord. Et alors là, par exemple, la présidente de l'association de zoothérapie, m'a dit que les études scientifiques sur ces interactions entre les animaux et les êtres humains ont commencé, enfin, sur les animaux et la santé des êtres humains, ont démarré vraiment dans les années 90, suite à une étude qui a montré que des personnes qui ont eu un accident cardiaque finalement avaient un pourcentage de survie beaucoup plus grande lorsqu'elles partageaient leur vie avec un animal domestique. Et puis là, ce n'était plus une question juste pragmatique de dire, enfin, que les gens témoignaient, ok, j'ai un chien à la maison et je me sens bien avec lui. Mais des scientifiques ont fait des études et ont mesuré des paramètres physiologiques des personnes qui vivent en contact régulier avec des animaux. D'accord, vachement intéressant. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le contact physique avec un animal, bon, bien sûr, là, je parle pour des gens qui n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas une adversité vers les animaux. Il y a des gens qui ont une adversité psychologique ou physique, comme des allergies, ou même qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est vrai que c'est une autre catégorie de personnes. Mais des gens qui aiment leurs animaux de compagnie, c'est vrai que le contact physique qu'ils ont avec ces animaux leur provoque un pouvoir calmant qui peut être mesuré au niveau physiologique et en particulier au niveau cardiaque. Alors là, c'était de cette liste que je me souvenais quand j'ai commencé à préparer ce dossier. Il y a une liste dans le livre dont je vous parlais, d'Alan Choël. Et puis là, il parle des différents bienfaits que les animaux ont sur la santé humaine et qui ont été prouvés par des études scientifiques. Et donc là, je vous en lis quelques-uns. Mmh. Donc il y a la stabilisation et la régulation de la pression artérielle. Il y a l'augmentation de la survie de patients atteints de maladies cardiaques. Donc, il paraît qu'effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce contact physique qui stabilise la circulation et la pression artérielle. Mais il y a aussi tout un côté d'amélioration physique, comme une augmentation de la coordination, de la force musculaire, de la posture, qu'on peut rencontrer chez des enfants qui côtoient des animaux ou des personnes à mobilité réduite. Donc ça, je vais vous en parler un tout petit peu tout à l'heure. C'est une des branches dans lesquelles la zoothérapie intervient, donc dans la rééducation en physiothérapie, par exemple. D'accord. Et puis, il y a toute une autre branche où les animaux ont été... on a montré qu'ils ont des effets positifs sur la santé humaine. C'est sur la santé, je dirais, plus psychologique, puisqu'on a montré qu'il y a des effets positifs sur le comportement et sur la sociabilité humaine, en particulier le contact avec des chiens, des chats, des chevaux peut augmenter l'estime de soi, peut aider à la sociabilisation et à la réinsertion sociale de certains jeunes en difficulté, et ça en aide apparemment très fort sur des troubles d'anxiété ou d'autres troubles psychiatriques. D'accord, mais tout ça, donc, c'est documenté, ça a été vérifié. Tout ça, c'est documenté. D'accord. Oui, tout ça, c'est documenté. Okay. Et puis, c'est documenté, et puis c'est pour ça qu'il y a cette branche de thérapie qui s'est développée, qui est la zoothérapie, dont je vais vous parler maintenant. Ok. Et puis, là, moi, ce que je veux passer là comme message, c'est que je suis partie d'un point de vue personnel, c'est-à-dire j'ai constaté que la présence d'un animal me faisait du bien. Et puis, un peu naïvement, je me suis dit, bon, ce chat, c'est un peu un thérapeute pour moi. Et puis, c'est vrai qu'on entend souvent parler pet thérapie, zoothérapie. Alors, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est cette zoothérapie? Et puis là... c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il me paraît vraiment important de préciser ce que m'a dit Rachel Léoctay, donc c'est la présidente de l'association suisse de zoothérapie. Elle a précisé que c'est très important de distinguer entre le bien-être qu'on peut ressentir avec son propre animal de compagnie et puis la zoothérapie, qui est quelque chose de différent. En effet, quand on parle de zoothérapie, on peut aussi parler d'intervention assistée par l'animal, c'est-à-dire que une zoothérapie, ça reste une thérapie. C'est-à-dire que il y a des thérapeutes, donc des êtres humains, qui peuvent être des psychologues, des pédagogues, des médecins, des physiothérapeutes, etc., qui mettent en place une thérapie à l'aide d'un animal. Donc, quelque part, là, ça démystifie un peu ce côté que j'avais moi-même en moi, c'est-à-dire de dire que mon animal est un thérapeute. La zoothérapie, c'est pas ça. Voilà. La zoothérapie, c'est une thérapie qui se fait à l'aide d'un animal. Bon, ça n'enlève pas que, en tant que propriétaire d'animaux, enfin de détenteur d'animal, on puisse ressentir un bien-être avec son propre animal de compagnie. Ça n'enlève rien à ça. Mais la zoothérapie, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment une branche de la thérapie, comme en fait il y a l'art thérapie, la musicothérapie, donc qui sont des thérapies basées sur qui se basent sur l'aide de l'art ou de la musique. Eh bien, la zoothérapie, c'est une thérapie qui se base sur l'aide d'animaux lors de thérapie. D'accord, mais là, je te challenge un peu. Oui. Tout ce qui est art thérapie et tous ces trucs-là, il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien, c'est incontestable. Mais il y a pas de fondement scientifique sérieux derrière ces trucs-là. Ça commence à venir en fait. Hein. Alors là, je me suis pas documentée sur ça, donc je veux pas dire des choses plus que d'autres. Mais je connais des gens qui étudient dans l'art thérapie, et puis ça commence à devenir très sérieux. C'est pas des. Bien sûr, il y a des charlatans de partout, comme dans la zoothérapie d'ailleurs. Mais c'est reconnu comme des thérapies. Reconnu par qui ? Est-ce que c'est remboursé par les assurances ou la sécurité sociale ? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas parler de l'art-thérapie, de la musicothérapie ici en Suisse, parce que je ne connais pas la situation. Mm-hmm. Là, pour ce qui concerne la zoothérapie, par exemple, elle est bien reconnue dans les pays anglo-saxons. Et en Suisse, ça commence à venir. Par exemple, personne que j'ai eu au téléphone, la présidente de l'association suisse de zoothérapie, elle intervient régulièrement à l'hôpital de Genève dans l'unité de psychiatrie, et donc c'est quelque chose qui est accepté dans une structure médicalisée, et puis c'est reconnu comme valable. Je veux dire, c'est pas juste je sais pas, quelque chose de folklorique autour de la médecine. Je vous disais, aux États-Unis, au Canada, il y a de plus en plus de centres de zoothérapie, mais il y a aussi de plus en plus d'hôpitaux qui s'appuient sur la zoothérapie comme thérapie, enfin comme type de thérapie. Donc d'ailleurs, je vais mettre quelques liens sur YouTube. Okay. Qui parle de la zoothérapie dans d'autres pays aussi. C'est des petites vidéos où on peut voir justement la zoothérapie dans des hôpitaux. Donc maintenant, je ne sais pas au niveau de la sécurité sociale si c'est remboursé, si c'est pas remboursé. Ça, c'est des questions plus techniques. En Suisse, il y a un certain nombre de médecines alternatives encore considérées comme douteuses par la science qui sont remboursées, par les assurances maladie. Il y a même l'homéopathie à partir de l'année prochaine qui sera à nouveau remboursée en Suisse, alors qu'à ce jour, il n'y a aucune étude qui a pu démontrer une efficacité supérieure au placebo. C'est pas nécessairement un critère, critère non plus. Enfin bon, ok, c'était. T'as affaire à des sceptiques. Hein. On va te challenger comme ça jusqu'à la fin du dossier. Je le sens. Je reviendrai peut-être moi un petit peu à la fin du dossier, mais moi qui ai un animal de compagnie, un chien, moi j'ai aussi des choses à dire là-dessus, sans avoir des fondements purement scientifiques, et en tout cas deux trois choses quand même assez qui vont un peu dans le sens de ce que dit Lia, quoi. D'accord. La relation que j'ai avec mon chien en tout cas. D'accord, moi j'ai que des ados, hein, je peux vous dire. Bon, bref. Ouais, On t'écoute. donc voilà, en fait, lié à ce que tu m'as demandé, finalement, si est-ce que la zoothérapie c'est quand même quelque chose de sérieux ou c'est folklorique, eh bien, en discutant avec la présidente de l'association suisse de zoothérapie, je me suis rendu compte que c'est quand même quelque chose qui a des fondements sérieux, dans le sens que elle a vraiment beaucoup insisté sur le fait que pour devenir zoothérapeute, il faut être d'abord thérapeute. C'est-à-dire qu'il faut appartenir aux professionnels de la santé. Il faut être physiothérapeute, il faut être médecin, il faut être infirmier, psychologue, pédagogue, peu importe, mais il faut avoir une formation de thérapeute. C'est-à-dire que lorsque on va avec un chien apparemment voir une personne qui a une maladie mentale, bien, il faut d'abord avoir des connaissances sur la psychologie humaine, sur la psychiatrie. Puis c'est pas juste parce qu'on a un chien qu'on est zoothérapeute. Et elle a beaucoup insisté sur ça parce qu'apparemment il y a beaucoup de pseudo-zoothérapeutes donc qui se disent voilà, je fais du bien aux autres humains parce que j'ai mon chien qui va et qui fait quelques câlins. Apparemment c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a toute la relation entre le thérapeute et l'animal utilisé pour la thérapie qui doit être gérée et vraiment soignée et approfondie. Et en particulier, elle expliquait que les animaux qui participent à la zoothérapie peuvent pas travailler plus de 4 heures par semaine, par exemple, parce qu'ils ont besoin de récupérer. Comme c'est des animaux qui sont capables d'empathie et de sentir les êtres humains. Et puis moi, je pense quand on a l'habitude d'être avec des chiens ou des chats, bon, on se rend compte que qu'ils peuvent lire beaucoup, beaucoup de choses de nous. Et puis, si on est très stressé, ben, ils le sentent. Et puis, parfois, ils sont pas bien parce que ils partagent nos émotions, un peu comme d'autres êtres humains qui sont à côté de nous. Ben, si on est tout le temps mal à l'aise, ils vont être mal à l'aise aussi. Et puis, du coup, ben, ces chiens ou ces chats ou les lapins, enfin les animaux qui sont utilisés dans la zoothérapie, ils doivent être protégés aussi, donc ils doivent pas faire plus de 4 heures par semaine de thérapie. Si le thérapeute sent que son animal il va pas très bien, il doit le laisser aller se reposer et récupérer, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui peut être aussi fatigant pour l'animal. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose de comme ça de tout simple, mais il faut vraiment que le thérapeute apprenne à connaître et gérer son animal. Et puis, de plus, ben, il faut que les animaux, ils aient certains critères, je dirais, de compatibilité avec ce métier. Bien sûr, si on a un chien qui est trop agressif, ça va pas jouer. Il faut vraiment que les chiens aient une éducation particulière, un bon caractère, et puis surtout que le thérapeute, il sache gérer son animal. Par exemple, un chien qui est un peu timide, bah, il pourra très bien aller avec certains types de personnes qui ont besoin de développer certains côtés de leur personnalité. Donc, enfin, en discutant avec cette dame, je me suis rendu compte que la zoothérapie, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe et qui, si c'est bien fait, c'est très sérieux, comme toute thérapie. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut jeter en l'air et dire qu'on fait de la zoothérapie comme ça. D'abord, il faut être thérapeute et puis il y a tout le côté de l'animal qu'on utilise entre guillemets pour la thérapie, qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut suivre et qu'il faut respecter avant tout. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en Suisse, la zoothérapie ben, fait partie des thérapies utilisées dans les hôpitaux. Et en particulier, cette dame, elle me disait qu'elle va régulièrement avec son chien Max, qu'on peut voir en fait les photos aussi sur le site, donc dont vous trouverez les liens. Elle va régulièrement avec son chien à l'hôpital de Genève dans l'unité de psychiatrie. Elle a aussi un cabinet où elle travaille avec deux chats. Et elle me disait que donc dans des pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé. Puis malgré, par exemple, aux États-Unis, il y ait cette peur des microbes un peu à outrance, ben finalement, les animaux sont très bien acceptés dans les hôpitaux. Beaucoup plus que qu'ici en Europe, où ça vient. Et en fait, quelque part, c'est l'azothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc ça aussi, elle a beaucoup insisté pour me dire que c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens que c'est une découverte de maintenant que les animaux peuvent nous apporter un certain bien-être. Mais ce qui est nouveau et qu'il faut apprendre à gérer maintenant, ben, c'est comment utiliser dans des conditions le plus sérieuses possible. Ces caractéristiques positives des animaux, comment les intégrer finalement dans la structure de la santé des hôpitaux qui nous entourent et qu'on utilise nous-mêmes pour se soigner. Donc voilà, en gros, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, à l'azothérapie et puis au pouvoir des animaux entre guillemets de nous soigner parce que bon c'est moi je croyais au début que c'était ça puis finalement c'est vrai que je m'en suis rendu compte que l'azothérapie c'est encore autre chose quoi qu'il en soit je trouve que ça vaut le coup de connaître de mieux en mieux ces êtres vivants qui nous entourent et puis qui partagent avec nous très souvent notre vie. Et donc d'apprendre à les connaître, à les respecter. Voilà. Ok, Parfait. bah écoute, merci beaucoup. Pendant que tu parlais, j'ai déniché le site de Rachel Léoctaï. Non, Léoctaï, voilà. Oui, Rachel, donc c'est en un mot, rachelzoothérapie.ch. On voit effectivement la photo de Max. Oui. Voilà. Le Max a un chat qui s'appelle le Milo. Le chien a un chat, c'est intéressant. Chacun son thérapeute. Bonne bouille. Il a une bonne bouille. Écoute, moi j'ai trouvé ton sujet vachement intéressant. Ça m'a ouvert les yeux d'une autre manière pour moi. Alors, c'est quelque chose que j'associais totalement à des courants ésotériques. Ouais, c'est des trucs que. Enfin, voilà, pour moi, zoothérapie, ça faisait partie d'une batterie de thérapie holistique un peu douteuse. En écoutant, je me rends compte qu'il y a quand même il y a des études, donc il y a des fondements scientifiques, c'est des choses qui commencent à être documentées. J'ai pas pu m'empêcher d'aller zapper un peu à gauche à droite sur Internet pendant que tu parlais. Effectivement, la page. Ben, à ce propos, pardon, je Je t'en veux prie. juste dire une chose que j'ai pas dit avant, mais il existe en Suisse alors, je vais essayer de le trouver en français parce que là, je suis sur la page du site, mais en allemand, donc je vais pas le lire. Mais il y a un institut de recherche interdisciplinaire sur la relation entre l'homme et l'animal. Ok. Et puis, je trouve qu'ils font des choses qui sont vraiment intéressantes et sérieuses. Donc, je mettrai le lien aussi de ce site pour dire que voilà, comme tu dis, c'est pas que des choses un peu ésotériques mais il y a vraiment plein de scientifiques qui commencent à s'intéresser à la relation entre l'homme et l'animal. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus d'applications. Ça, c'était aussi quelque chose dont on a discuté avec Rachel, du fait que souvent il y a un gap entre la recherche et puis l'application de ces découvertes. Puis c'est vrai que parfois l'application reste un peu de l'ordre de voilà, c'est des expériences empiriques et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Enfin on sait Ouais, c'est pas ça, bien. puis ouais, Voilà. teinté de beaucoup de croyances souvent. Voilà. Et puis à ce propos d'ailleurs, elle organise pour l'année prochaine une conférence sur l'azothérapie parce que elle est vraiment motivée à former les gens sur le fait que voilà, c'est quelque chose qui est sérieux finalement, que c'est pas jeté en l'air, mais que ça fait partie des potentiels de la thérapie qu'on peut utiliser dans les hôpitaux ou dans d'autres centres de soins. Donc, voilà, je mettrai aussi ce lien pour que les gens. Enfin, je ne sais pas si l'inscription après est ouverte à tout le monde. Ça, j'ai pas demandé, mais je crois que oui. Ouais, c'est indiqué sur son site, en fait. C'est 100 ouais, balles. C'est indiqué, hein. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. 100 balles. Alors, 100 balles pour les étudiants, l'inscription. Ouais. 150 pour le reste du monde. Ouais. Bon, ouais. Ben, voilà. Voilà. Ben, donc, si c'est sur son site, peut-être je vais pas ajouter forcément ce lien en plus. Parce que de toute façon, si c'est sur le site, on peut le trouver. Mais voilà. Bon, je mettrai par contre le site, le lien de donc ce que je vous disais de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur la relation entre l'homme et l'animal, parce que je trouvais il y a plein d'informations intéressantes et c'est voilà, ça m'a l'air bien scientifique aussi. Donc, ouais. En allant farfouiller encore une fois pendant que tu parlais, je suis tombé sur le concept d'anthropozoologie. C'est la première fois que j'en entendais parler. Donc c'est en sciences humaines l'étude des relations entre l'homme et l'animal. Donc c'est précisément ce dont tu parles, il y a des équipes de recherche au CNRS, entre autres. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est étudié de manière assez oui. Sérieuse. Ouais, je crois que c'est bien que t'aies recontextualisé ce que c'est la zoothérapie. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche thérapeutique globale dans laquelle on intègre un animal. Voilà. C'est pas seulement un animal qui est là pour aider quelqu'un, ça s'intègre dans une démarche beaucoup plus globale. Voilà, ça c'est le message, je crois, le plus important, je dirais, pour garder le sujet d'une façon avec les pieds, terre à terre. Ouais, hein, bien sur terre, là où on aime les avoir, même si on est ouvert d'esprit. Voilà, c'est l'autre côté que j'aimerais que ce dossier ait suscité, cette ouverture d'esprit. C'est, oui, tu disais? Oui, j'ai un ami qui travaille dans le monde animal, on va dire ça comme ça. Enfin non, pour la nourriture pour les animaux. Et il m'avait dit une fois que justement, il y a des thérapies qui se faisaient avec les chiens pour les enfants qui ont des problèmes. Oui. Et que l'avantage, en tout cas dans le cas du chien, et je pense des animaux en général, le gros avantage qu'ils ont sur les hommes, c'est qu'ils ne jugent pas les animaux. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est très important finalement aussi pour les enfants qui ont des problèmes d'avoir quelqu'un de proche mais qui ne juge pas. Mais sur ce livre donc dont je vous parlais, il y a plein de témoignages comme ça de gens qui ont eu des animaux et puis qui témoignent de ça, de ce non-jugement de l'animal qui est un aide extraordinaire. C'est vrai que entre êtres humains, on se juge très souvent et puis souvent ça coupe la spontanéité de la relation parce que on a peur de l'autre. Puis c'est vrai qu'avec les même animaux, vis-à-vis d'un thérapeute, on peut avoir honte de lui dire quelque chose ou honte d'un comportement vrai qu'on a eu et ne pas vouloir le dire. Ouais, j'ai presque envie de dire surtout vis-à-vis d'un thérapeute. Mais bon, moi qui vis avec un chien, j'ai un chien là depuis pas mal d'années. Alors bon, moi je suis pas du tout dans une démarche zoothérapique, mais il y a quand même voilà une relation qui s'est installée entre moi et lui. Puis moi j'ai remarqué une chose. Alors je sais pas si c'est une sorte d'autosuggestion que je me fais ou pas, mais bon, mon chien il est très excité, hein. Il est surexcité, il est comme ça, c'est son caractère. Et puis évidemment, dès que je rentre à la maison, voilà, il me saute dessus. Dès qu'il se rend compte qu'il va sortir, il saute, il peut pas rester tranquille, il vient toujours vers moi ou vers ma femme pour essayer de jouer comme ça. Donc il est vraiment très excité. Ah, c'est mais une femme quand même. T'as annoncé je vis avec un chien. J'imaginais. On vit au couple. Non, on vit avec un chien. D'accord. Et non, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les quelques fois où moi ou ma femme étions malades ou pour une raison ou autre on n'était pas bien, il changeait de comportement. Il se rendait compte qu'on n'était pas en forme. Et il était beaucoup moins excité. Et quand il venait vers nous, il posait sa tête sur les genoux. Il n'était pas là en train de nous sauter dessus comme d'habitude. Et il m'a semblé qu'il ces jours-là. Ouais, mais il m'a semblé qu'il ressentait un peu la situation de l'un ou l'autre qui était pas bien. Et il adaptait son comportement en fonction. C'est ce qui m'a un peu semblé. Mais ça, c'est donc j'en ai discuté un peu avec Rachel. Et puis elle me disait au niveau scientifique, on peut expliquer ça aussi par un comportement qui se renforce de façon positive, c'est-à-dire l'animal, il est capable de ça, il n'y a pas de doute qu'il est capable de percevoir, de voir, de comprendre nos états d'âme, nos états, ouais, même de santé. Et puis c'est vrai que lorsqu'il vient vers nous dans des moments difficiles, il reçoit souvent plus d'attention, des câlins particuliers, parce que nous on est contents. Et puis du coup, l'animal, il se dit, bah, tiens, si ça arrive à nouveau, je retourne, parce que finalement, c'est des moments où je suis bien, parce que bah, si lui, il est triste, et puis moi, je vais vers lui, bah, ça, il me donne des câlins, il me donne plus d'attention. Donc, c'est aussi une sorte de renforcement positif du comportement de l'animal. Enfin, c'est une explication un peu, qui enlève un peu Un peu du charme et du un peu mystère de de la charme. relation, ouais. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec Rachel et elle m'a parlé de ça. Alors peut-être moi je traduis pas exactement sa pensée, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce qu'on s'est dit. De ce côté que bon, au niveau scientifique, on peut l'expliquer un peu comme ça, comme une sorte de comportement qui se renforce de l'animal. Ceci dit, après elle me disait que des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Moi j'en ai lu tout plein donc dans ce livre dont je vous parlais. Et je pense aussi que les animaux, ils ont une sensibilité, une générosité parfois, mais ça c'est mon point de vue, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est une constatation personnelle. Mais c'est vrai, je trouve il y a une générosité, une empathie qui se met en place chez les animaux, c'est extraordinaire. Donc bon là Ouais, j'ai enfin empathie, c'est probablement pas le bon mot, non? Parce que ça suppose, enfin l'empathie au sens où on l'entend en général dans le langage populaire, c'est la capacité à se mettre dans les baskets de l'autre, ce qui suppose quand même un certain niveau de conscience, et ça suppose même la théorie de l'esprit, ce dont on sait que ça n'existe pas Ouais. chez les animaux, si? Alors là, je veux pas rentrer, enfin, je peux pas rentrer dans les détails comme ça parce que je sais pas, c'est une terminologie que je connais pas suffisamment. Mais enfin, ce qu'elle me disait, Rachel, par téléphone, c'est que, parce que d'abord, on a parlé des émotions, par exemple, et puis elle m'a dit qu'au niveau du développement du cerveau, ben chez les mammifères, ils ont un cerveau qui est pratiquement comme le nôtre. Donc, Donc c'est les mêmes zones qui s'activent en réponse au même voilà, stimuli. c'est au niveau de ce qu'ils ressentent et de ce que des émotions qu'ils ont. Apparemment, c'est très proche parce que le cerveau il est fait un peu de la même façon donc d'une façon scientifique bah voilà. Après peut-être que j'utilise le terme empathie d'une façon impropre, ça il faudrait vérifier, je peux pas dire. Moi je l'utilise dans le sens que l'animal à mon avis il est capable de voir certains signes de nous, enfin beaucoup plus de ce qu'on croit d'ailleurs. Et puis d'adapter son comportement par rapport à ce qu'il voit de nous. Donc quelque part, quand je parle d'empathie, je parle d'un partage de d'émotions, de sentiments, parce que s'il est capable de s'adapter par rapport à ce que nous on ressent où on est comme état d'âme à ce moment-là, ben c'est que voilà, il est lié. Donc et qu'il peut le voir, il peut le sentir, et puis il peut s'adapter à son comportement à nous. Donc, moi, c'est ça que j'appelle l'empathie, mais c'est vrai que c'est peut-être impropre dans un contexte purement scientifique, il faudrait vérifier. Ça, enfin, de neurobiologie, neurosciences, ça, je m'en souviens plus, j'avoue. Bon, Donc, les chiens ont non seulement il y a tout le domaine de la zoothérapie dont tu as parlé aujourd'hui, mais il y a aussi tout l'aspect d'accompagnement, par exemple les chiens pour aveugles, oui, absolument. qui sont super importants, ces chiens. Et alors bon, là on n'est plus trop dans une thérapie, on est plus dans une démarche d'accompagnement, mais c'est quand même incroyable aussi ce qu'ils arrivent à faire, les chiens, avec les aveugles. Oui. Non, ils ont des capacités extraordinaires. Ça, c'est vrai que c'est des. Enfin, comme je disais, leur cerveau, il est similaire au nôtre. Il a quand même des différences. Puis ils ont des capacités. Ben, par exemple, la capacité de détecter la pensée de l'autre, quelque part, c'est un peu plus développé, d'après ce que j'ai vu. Moi, j'ai fait des cours d'éducateur canin. Et puis, d'après ce que j'ai vu, c'est presque plus développé chez les chiens que chez les êtres humains. Parce que eux, ils utilisent pratiquement que le langage corporel, et ça, ils le maîtrisent. Donc, en nous regardant, même de loin, ils savent... Tu veux dire, ils peuvent anticiper les intentions, les choses comme ça? Oui, parce qu'ils ils savent beaucoup plus que nous, enfin, que certains d'entre nous, en tout cas, lire le langage non verbal, qui est, même d'après les gens qui étudient la communication, quand même la plus grosse partie de tout le langage qu'on utilise. Hein, bon, avec leur odorat, les chiens, j'imagine qu'ils arrivent aussi peut-être à sentir certaines hormones ou certaines choses qu'on dégage, certaines odeurs. Là, j'en ai pas parlé. C'est vrai que c'est... c'est un sujet, je vous ai dit, il est très vaste et on peut parler aussi d'autre chose. Mais par exemple, il y a des chiens qui sont utilisés maintenant dans certains hôpitaux pour détecter des cancers. Oui. Avec l'odorat, ils peuvent détecter un cancer en phase précoce, par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont assez bien documentées. Voilà, donc il y a des capacités quand même qu'on ne connaît pas et qui peuvent être très, très impressionnantes pour nous. Qu'on est peut-être habitué à penser à ces animaux comme des... moi, j'ai jamais pensé... Avec une vision un peu utilitariste, quoi, c'est vrai. Voilà, comme des êtres un peu inférieurs, on va dire, qui ont moins de capacités. Alors que là, les... nouvelles découvertes, je dirais, finalement, elles ont tendance à montrer que les animaux ont d'autres capacités. Donc, absolument. Ça... Mais si vous voulez un scoop, mon chien détecte le vide. Il détecte le vide. Alors, tu vas nous expliquer ça. Genre, tu l'as envoyé dans un collisionneur de particules. non, mais un truc marrant, c'est que quand je le sors, sur le trottoir, il y a un endroit où... Bon, je crois qu'il n'y a plus maintenant, mais avant, il y avait des travaux, puis ils avaient fait un trou dans le trottoir. Puis ils avaient mis une plaque en métal sur le trou pour que les gens puissent continuer à marcher. Voilà. Et quand je prenais le chien, lui, juste avant la plaque en métal, il la contournait, il ne voulait pas passer dessus. Comme s'il savait qu'il y avait un trou dessous, et il avait peur de tomber ou je ne sais pas. Mais automatiquement, avant, il le contournait. Quoi. Ouais. T'as un chien qui souffre d'acrophobie. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que de toute façon, les chiens qui accompagnent les personnes aveugles ou d'autres personnes handicapées, ils peuvent s'orienter, détecter, comme tu dis, des zones qui peuvent être dangereuses, qui sont vides dessous. C'est des choses dont j'ai entendu parler par une dame qui a justement un chien d'aveugle depuis bientôt 12 ans, qui vit avec elle. Puis c'est vrai que c'est assez extraordinaire ce que ce chien sait faire, en fait. Mais là, pendant que tu disais ça, je pensais aussi à un reportage que j'avais vu sur Internet sur des chiens qui peuvent détecter, par exemple, des crises d'épilepsie. Enfin, ils peuvent annoncer l'arrivée d'une crise d'épilepsie chez certaines personnes. Je pense que vraiment, il y a plein de capacités qui sont encore inexplorées. Formidable. Écoute, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup de nous avoir... de nous avoir amené cet éclairage. Moi, j'ai retenu aussi que l'animal zoothérapeute n'a le droit que de travailler 4 heures par jour, que nous sommes par des animaux... Par semaine. Par semaine, c'est encore mieux. Ouais. Et que nous sommes des animaux. J'aimerais savoir où c'est qu'on postule. Ça me plaît beaucoup. Non, bon, trêve de plaisanterie. Ok, écoute, merci, Ilia. De rien, c'était avec plaisir. Ouais. Très intéressant. Et puis, Mathieu, on a encore une ou deux petites choses à dire avant de conclure. Bon, on va revenir quand même sur le communiqué de presse qu'a fait le CERN hier, donc le 13 décembre, sur l'état des recherches sur le boson de Higgs. Donc j'en avais un petit peu parlé, je crois que c'était dans l'émission de la semaine passée, où j'avais dit qu'il y avait des rumeurs qui circulaient un peu là autour. Donc il y a bel et bien une conférence de presse donc le 13 décembre, et bon, voilà, je vais juste dire en vitesse un peu la situation, ça reprend un peu ce que j'ai dit la semaine passée. Donc la principale conclusion, c'est que si le boson de Higgs, donc du modèle standard, existe, le plus probable, c'est que sa masse soit circonscrite par l'expérience Atlas dans le créneau de 116-130 gigaélectronvolts. C'est-à-dire que la masse du boson de Higgs se trouverait dans cette marge-là, de 116 à 130 gigaélectronvolts. Donc gigaélectronvolts, c'est une unité d'énergie, mais bon, vu que la masse et l'énergie, selon Einstein, l'énergie se transforme en masse et vice-versa, voilà, on peut très bien exprimer Ouais, un petit coup de égal MC carré et voilà, paf, on connaît la masse, c'est ça? ils expriment ça en termes énergétiques. Et Ok. donc ça, c'est l'Atlas, parce qu'en fait, il y a deux détecteurs qui ont permis de faire des mesures. Il y a l'Atlas, donc lui il donne un créneau de 116-130 gigaélectronvolts, et il y a l'expérience du CMS aussi, qui lui a donné un créneau de 115 à 127 gigaélectronvolts. Donc les deux sont Ok. proches, hein, 116-130, 115-127. Donc en termes techniques, une masse en dehors de l'intervalle 115,5 jusqu'à 131 gigaélectronvolts est exclue à 95%. Ok. Non, attends, mais alors là j'ai un doute. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est le C'est le contraire. contraire, ouais. Non, non, c'est juste, en dehors de cet Ah oui, intervalle en est dehors de exclu à cet moins de intervalle, 100%. pardon. C'est juste, c'est En juste. dehors de T'as raison. 115,5, 131 gigaélectronvolts, c'est exclu à 95%. 95% pour nos amis français. Voilà. Et Fabiola Okay. Gianotti, qui est porte-parole du CERN et qui a collaboré sur l'expérience Atlas, dit, ouvrons les guillemets, nous avons circonscrit la gamme de masse la plus probable pour le boson de Higgs dans un créneau de donc 116-130 gigaélectronvolts. Et ces dernières semaines, nous avons commencé à observer un singulier excédent d'événements autour de 125 gigaélectronvolts. Ah. Et dans le alors ça c'était pour le détecteur Atlas, et dans le détecteur CMS, il y a eu deux signatures sous forme de deux photons partant simultanément dans des sens opposés qui correspondraient à la désintégration d'un boson de Higgs. Et là, on est autour d'une masse de 124 gigaélectronvolts. Donc 125 pour Atlas, 124 pour le CMS. Donc très proche. Alors, la statistique obtenue est cependant encore insuffisante pour clamer une découverte. Car au mieux, la marge d'erreur est de 3,6 sigma. Donc c'est la manière qu'ils ont pour déterminer, plutôt la marge de confiance, pardon, plus que la marge d'erreur. La marge de confiance est de 3,6 sigma. Mais il faudrait 5 sigma pour être certain de ne pas être en présence d'une simple fluctuation statistique, qui correspondrait à un hasard. Donc voilà. Et Ok. donc en résumé. Il y a des signes de l'existence du boson de Higgs qui ont été vus dans deux détecteurs différents, mais on ne peut exclure qu'il s'agisse de simples fluctuations statistiques à la manière d'un nuage prenant temporairement une forme connue. D'accord? Mais dans le cas où ce n'est pas des fluctuations statistiques, ce boson de Higgs se trouverait aux alentours de 124-125 gigaélectronvolts. Et voilà, on peut pas la trouver en dehors de 115,5 et 127 gigaélectronvolts, a priori. Ok, donc en résumé, maintenant on sait où chercher. Voilà, bah on a une gamme d'énergie, on peut vraiment se centrer là-dessus, là, aux alentours des 125 gigaélectronvolts. D'accord. Ouais. S'il est quelque part, on sait où il est. Ouais. Maintenant, il Il n'y a plus qu'à aurait le, il n'y a plus plus ou qu'à moins retrouver. cette masse-là de 125 gigaélectronvolts. Donc D'accord. ils vont se focuser là-dessus. Je crois que jusqu'à la fin de l'année, ils vont arrêter ces expériences pour le boson de Higgs jusqu'à la fin de l'année, et ils vont reprendre en 2012. D'accord, donc pour ceux qui ne nous écouteraient pas au moment où on diffuse l'émission, là on est le 14 décembre 2011, au moment où on parle. Voilà. Ok, donc ça reprend en 2012, et puis ben, on espère avoir des nouvelles courant 2012 alors. Ouais, mais en gros, c'est des bonnes nouvelles, c'est quand même. Voilà, ça donne de l'espoir quand même. En tout cas, il y a une voie qui continue. C'est pas qu'on n'a rien trouvé. Il y a des indices. Donc, ouais, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est cool, bah on s'accroche, on attend la suite. Ok, sinon on voulait faire un petit plug, c'est notre ami François Udrea sur Facebook qui nous annonce que les adhésions aux rencontres astronomiques du printemps, les RAP, sont ouvertes. Alors si l'astronomie vous chatouille, renseignez-vous sur notre site. 400 instruments sur 4 hectares pendant 3 nuits, ça vaut le voyage vers la Haute-Loire. Alors on trouve tout ça sur astrorap.fr. Et puis, je suis quand même allé voir. Donc, les 13e rencontres astronomiques du printemps, les RAP, auront lieu du 17 au 20 mai 2012. C'est le week-end de l'Ascension et ça se passe à Craponne-sur-Arzon. J'adore le nom du bled. Donc en Haute-Loire, c'est En ça? Haute-Loire, voilà. Donc c'est quelque part en France. Ouais, les Français seront mieux que nous, ça se trouve. Exactement. Ok, et puis sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ta quote, Mathieu, ta fameuse quote, qui sera l'une des dernières, en somme. Ouais, mais alors, bon, c'est pas vraiment une quote aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion. Bon, j'ai vu le titre du dossier de l'IA qui allait parler de la relation homme-animal. Je ne savais pas très bien qu'elle allait parler de zoothérapie, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre une côte un peu liée à l'écologie. Voilà, je me suis dit ça. Ok. Et alors, c'est pas une côte, en fait, c'est une petite réflexion qui vient de Karl Folket, qui est directeur scientifique à l'Université de Stockholm. Alors, je te l'ai dit en anglais et il faudra la traduire, c'est un peu long, mais je te fais confiance. Bon, je peux avouer que tu as un peu triché cette fois. Je l'ai sous les yeux pour une fois. C'est vrai qu'elle est tellement à rallonge que j'arriverai jamais à me rappeler du début tant que tu arrives à la fin. Donc On a un vas-y, petit peu on triché t'écoute. aujourd'hui. Alors, en anglais, vous excuserez mon accent horrible, mais bon, je fais ce que je peux. Humans have a tendency to fall prey to the illusion that their economy is at the very center of the universe, forgetting that the biosphere is what ultimately sustains all systems, both man-made and natural. In this sense, environmental issues are not about saving the planet. It will always survive and evolve with new combinations of atoms, but about the prosperous development of our own species. Yeah. Alors, Alors, allons-y. elle est bien, je la trouve très inspirante. Donc, les humains ont tendance à être victimes de l'illusion que leur économie est au centre même de l'univers, oubliant totalement que la biosphère est finalement ce qui soutient tous les systèmes, qu'ils soient artificiels ou naturels. Et en ce sens, les problématiques environnementales, ne concernent pas la planète. Il ne s'agit pas de sauver la planète, parce que la planète survivra toujours et évoluera grâce à de nouvelles combinaisons des atomes à disposition, mais il s'agit du développement prospère de notre propre espèce. Voilà. Voilà. Bon, traduction à la volée, on essaiera de mettre quelque Ouais, mais c'est chose d'un peu bien. plus français. Mais en fait, je suis tombé dessus un peu par hasard tout récemment, mais elle tombait bien parce que c'était justement un peu coup de gueule que j'avais quand j'entends tout le temps, on dit, ah, faut sauver la planète, réchauffement climatique, la planète est en danger, la planète est en danger. Non, la planète, elle n'est pas en danger. La Ah, elle s'en planète, fout complètement, elle en a une elle autre va de réchauffement survivre climatique, c'est clair. à tous les maux. Ouais. C'est notre civilisation qui est en danger. Donc, ouais, faudrait ressentir un peu le débat plus sur notre civilisation, plus que sur la planète, finalement, parce Ouais, que. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la planète survivra quoi qu'il arrive, quoi. Elle en a vu d'autres. Et puis le vivant, il a toutes les chances de rester. Maintenant, ce sera peut-être sous forme de protobactéries pour les 4 prochains milliards d'années, mais n'empêche que la vie existera, quoi. Alors que nous, effectivement, on a besoin de certaines conditions qu'on est en train de foutre en l'air. Et c'est juste, quoi. T'as parfaitement raison. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui et qu'on est en train de bousiller. Ouais, parce qu'en plus, bon, je sais pas dans quelle mesure il y a vraiment un impact psychologique, mais j'ai un peu l'impression que quand on dit oui, il faut sauver la planète, on ne se sent pas directement concerné. On dit oui, c'est la planète, c'est une planète, c'est quelque chose sur lequel on vit, mais c'est pas nous-mêmes. Alors que c'est l'inverse, c'est justement nous-mêmes qui sommes en danger, c'est pas la planète. Tu vois? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense qu'on fait référence au fait que ouais, la planète, celle qui nous supporte, celle qui fournit l'environnement dans lequel on peut se développer, puis qu'on n'en connaît pas d'autres aujourd'hui qui soient capables de fournir le même environnement. Donc, en sauvant la planète, on se sauve, telle qu'elle existe aujourd'hui, enfin dans son, dans ses, j'allais dire, ses settings, ses réglages, sa configuration actuelle, c'est ça qu'il s'agit de sauver si on veut sauver l'espèce humaine. Mais c'est un raccourci de C'est un pensée, je suis raccourci, ouais. d'accord. Et c'est vrai, il doit être un peu déresponsabilisant quelque part. Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on entend de plus en plus ces jours à cause de la crise partout en Europe, que les problématiques environnementales et de développement durable, etc., sont reléguées au second plan parce qu'il faut d'abord qu'on règle la crise. Je pense qu'il s'agit fondamentalement du même problème avec des échéances très différentes, quoi, pour l'humanité, avec un impact très différent aussi. Là, on est dans une vision très court terme. Enfin, c'est vrai que c'est l'urgence du moment, mais en même temps, si on pense espèce, survie de l'espèce, génération future, c'est quand même parce qu'on a des ancêtres qu'on est là, et on est probablement là pour être les ancêtres des générations suivantes, s'il faut chercher un sens à tout ça. Ouais, on aura quand même du boulot. Heureusement, finalement, qu'on est mortel et puis qu'on sera pas là dans quelques milliers d'années quand il faudra justifier ce que notre génération a fait pour les suivantes. On est quand même des méchants parasites. Enfin Ouais. bon. Sans doute Gros matière débat, gros sans débat. doute matière à gros débat. Lia, On va pas le t'es régler toujours avec aujourd'hui. nous? Oui, je suis avec vous, je vous entends. Et J'ai arrêté un ça instant le t'inspire? micro parce que je toussais, mais Ah. oui, j'ai suivi votre discussion. Et ça t'inspire cette réflexion de Mathieu? Oui, je trouve elle est très jolie. Ça, ouais, je la partage en grande partie. En tout cas, c'est un peu mon ressenti aussi. Puis c'est vrai que voilà, on place souvent le problème un peu loin de nous, et comme ça nous donne un peu l'excuse de s'en occuper après. Ouais, Je c'est veux dire, ça, c'est ouais. vrai que si on dit bah voilà, il faut sauver la planète, c'est un peu loin de tout, et oui, ça nous Bon, faudrait concerne, dire, mais sans nous concerner, alors que finalement c'est peut-être faudrait faut plus. une prise de conscience que finalement nos vies dans la quotidianité, c'est pas non plus le bonheur absolu, que ça pourrait aller mieux, et puis commencer à vivre mieux jour le jour. Puis là, on se rendrait compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer nos vies, et du coup améliorer aussi la vie de ceux qui nous entourent. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre ces problèmes écologiques un peu, voilà, on les étiquette comme des problèmes écologiques, donc voilà, finalement, ils sont loin de nos vies quotidiennes, alors que non, ils font partie de ce que nous sommes. Et ce que tu dis, Alan, c'est voilà, on est mortel, on sera pas là dans quelques milliers d'années, mais c'est vrai que les conséquences de ce qu'on est en train de faire, elles seront là. Ah, Donc c'est sûr, ça c'est ouais. ouais, ça demande beaucoup de prise de conscience. C'est pas facile non plus Mais d'être déjà, humain. je pense qu'il faudrait commencer par changer le vocabulaire qu'on emploie, justement, et arrêter de dire sauvons la planète, Ouais, mais c'est vrai. plutôt préservons nos générations futures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ne devrait pas parler d'environnement non plus, mais parler d'écosystème plutôt. Enfin, non, je développerai ça une autre fois, mais c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Ok, on va en rester là pour cette fois. Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera ton dernier dossier. C'est Dernier dossier. terrible, ça Non, ce sera pas le m'arrache, ça me dernier, prend le ce cœur de sera. dire ça. Ce sera ton dernier dossier dans cette configuration-là, cette formule-là. Voilà. Et Voilà. le dernier de l'année, on va dire. Et le dernier de l'année de surcroît. Bon, ceci dit, la relève est là. On a une nouvelle génération qui trépigne, qui est bourrée d'idées. On aura des tas de surprises l'année prochaine. On parle même de live. Ouais, j'ai vu, ouais, qu'il y avait un Ouais, peu de discussion là autour. absolument, absolument. Donc on va s'entraîner un petit peu, puis on fera quelques annonces la semaine prochaine sur le sujet, une fois qu'on est sûr de la direction qu'on va prendre. Mais 2012 s'annonce rock'n'roll en tout cas. Même Et si puis, t'es plus là. non, mais je Ou serai toujours un peu plus, là. tu seras plus là tout le temps. Bon, tu seras, heureusement que tu seras encore un peu là. Mais sinon, la semaine prochaine, ne ratez pas mon dernier dossier, surtout les fans de physique, parce que ça va être du lourd. Ah, ça va être du très lourd même. Des Alors, dossiers de j'espère que je vais Mathieu faire comme on mon les mieux, aime. parce que je m'attaque à un sujet pas facile, mais voilà, Ouais. ne le ratez pas. Préparez l'aspirine. Mathieu va finir en beauté. Ok. Bon, on Ok. se retrouve alors la semaine prochaine. Et d'ici là, Très tout de bien. bon. À bientôt. À Ciao, bientôt. à bientôt. Ciao.